à peine 16 ans, traîne en rodant, dans la thèse visant, le cash pliant, tes thunes devant les clients. Tu passes des nuits peu tranquilles, tu te lèves juste pour trier. Ton but c'est le billet, et les remparts faut pas les oublier. Bon bon en guise de track, tu connais le kilo au culot. Ça squatte les rages, t'es les rabatteurs dans le métro. Tu veux ta part du gâteau, mes potos, tu le saupoudres de poudre. Les rôles à dope, le crack et la malchance, tu découvres. Ça te regarde de travers, comme si la peste t'avait chopé. Te boucave à ton père, ça fonne en falche au guisé. Tu viens cette espèce qui cherche le cash, les espèces, par toutes ces espèces de moyens. La rue c'est rasoir à tous les angles du boulevard. Les fesses répètent toujours les mêmes ratures sur le buvard. C'est super être pour accro, comme chez les coiffeurs à pro. Dans les shots du McDo ou la réserve de la Lispo. Mais quand la nuit m'emporte, le qui frappe à ma porte. Dans le ghetto français, ça vend de la mort et ça rapporte. J'ai mangé ma part du ghetto, maintenant je veux la cerise. J'avalerai le noyau et le micro, tellement j'ai les trous. Mais quand la nuit m'emporte, le qui frappe à ma porte. Dans le ghetto français, ça vend de la mort et ça rapporte. J'ai mangé ma part du ghetto, maintenant je veux la cerise. J'avalerai le noyau. Et le micro, elle mangeait les gros. Mon journal, c'est toujours la merde, plein de faits divers. Un homme de 18 ans sous l'effet de la CC sans le revolver. Les faits sont réels, comme ce jeune en correctionnel. Avec tout ce qui se passe, tu peux prendre 10 piches pour recel. Dans un autre point, ça parle d'un mec qui montait en flèche. Apparemment, puisque les autres, il avait la pêche. Il était speed, j'ai tout de suite compris que c'était pas souris. Il appelait jamais son mobile et passait ses coups de fil d'une cabine. Tout le monde lui avait dit qu'en vendant de la cam, t'aurais la poisse. Si tu peux mettre à l'angoisse, c'est que les raccourcis sont des impasses. Mais t'as péché, pour des droits. Toi, tu t'es pas empêché. Devant de l'avoine, ainsi paraît, tu contrôles le marché. Ça commence par des blâmes à l'étoile. Ensuite viennent les premiers grammes. Tu fais tes armes sur le bitume, pour des thunes tu crames. Ton nom de famille, désormais, aucun des tiens n'est à l'abri. Les toxicos savent très bien où tu caches ton produit. En général, mon pote, les histoires de dope finissent toujours mal. Soit sur le bas-côté, dans la tête, une balle ou en centrale. Dans tous les cas, t'as très peu de chance pour trouver le sommeil. Quand les flics te réveillent, alors c'est va pour tes rêves. Mais quand la nuit m'emporte, le ski frappe à ma porte. Dans le ghetto français, ça vend de la mort et ça rapporte. J'ai mangé ma part du ghetto, maintenant je veux la cerise. J'avalerai le noyau et les micros. J'aurais mangé les gros. Être une pop star, non pas un adepte de gang star. Pour en ken 5, faudrait que je carbure au sec star. J'ai pour contrat de devoir agiter les foules. Jusque là, rien d'extra face à ceux qui mettent la cagoule. Quand les keufs déboulent, direction le dépôt. Tu la cherches. Mais tu l'as peut-être pas mérité, c'est le ghetto. Toujours mieux à faire, jamais trop tard pour bien faire. Tâche de mettre de l'ordre dans toutes tes affaires. Fais l'argent propre avant que les flics de coque soient rusés. Quitte à t'user, la santé, le chemin est long, mais trop de portes se sont fermées, affamées. J'ai signé trop d'autographes sans jamais être signé. Du sol à la scène, le mic, j'ai dû brûler. Combien de concerts, presque vite, voulais annuler. Ne plus me salir les mains, car aujourd'hui, moi, je suis trop grillé. Gros, je ne rêve que de billets, de gloire et de briller. Frappé par le mal-être, maladie incurable. Je te l'ai souligné dans ma lettre, tu en France d'être un arabe. Du pire, je suis capable, des sons bien insupportables. Jusqu'à vivre au début. Faut qu'elle soit rentable, honorable. Pas là pour s'afficher, puicher, qu'ils ont fiché. Pas mal qu'on soit fichu et fauché, fauché. Le système m'a amoché, je rêve de galocher la belle vie. Et de ressusciter les membres de mon groupe comme Mamad de Belleville. La Spontana, l'Ahmou, wesh m'en ça, comment ça. Ils nous mettent des bâtons dans les roues, j'ai mangé ma part du ghetto. Maintenant je veux la cerise, j'avalerai le noyau et le micro. Tellement j'ai les crocs. Les maisons disent qu'on peur de nous, de Mulinzou. Wesh les types, vous êtes où? Les Zoulous jouent les voyous, mais ça c'est pas d'imiter la survie. Ils arriveront jamais à la cheville. Et j'irai jamais là où je vis. Quand la nuit m'emporte, le ski frappe à ma porte. Dans le ghetto français, ça vend de la mort et ça rapporte. J'ai mangé ma part du ghetto, maintenant je veux la cerise. J'avalerai le noyau et les micros, tellement j'ai les trous. Quand la nuit m'emporte, le ski frappe à ma porte. Dans le ghetto français, ça vend de la mort et ça rapporte. J'ai mangé ma part du ghetto, maintenant je veux la cerise. J'avalerai le noyau et les micros, tellement j'ai les trous. Quand la nuit m'emporte, le ski frappe à ma porte. Des voyous studio. Tu connaissais pas un peu Chab? J'ai ma part du ghetto. Mafia africaine. Ça fait longtemps qu'ils sont là. De Choisy, A-O-R-L-Y. J'introduis des R-Y. De mon one. Y'a pas plus ghetto, mais underground. Voilà S, Montana, MS, M-A-M-A-D. Douloureuse est leur histoire. C'est pas le Moyen-Âge là, c'est la guerre du feu gros, c'est la préhistoire. La hache du bidou, la hache du ghetto. En noir, Bigo, Awa, chaque quartier, 2000 une soupe. J'en place une pour le pitbull, ma boule. Squat, c'est qui ça, hein? Big up à la salle.